Chapitre 6e. Jérôme Korff s'attendait à tout. Lorsqu'il avait pénétré dans la villa de M. Argoulian, il avait envisagé toutes les éventualités. Il n'eût pas été étonné de découvrir un cadavre disséqué dans la caisse du piano. Il ne se serait pas ému si on l'avait attaqué. Oui, il avait tout prévu. Tout, sauf une chose. Que le mystérieux William Grant, dont il pensait trouver les restes dans le piano du marchand de pierreries, se fit annoncer. Appelant à lui toute son énergie, il s'appliqua à dissimuler le trouble et put aussitôt s'apercevoir que l'effarement de Sonia Argoulian et celui de M. Piébal étaient au moins aussi grands que le sien. « Monsieur William Grant ?» s'exclama la jeune fille, mais ce n'est pas, fit en même temps Piébal, qui aussitôt se reprit et grommela. « Je me demande ce que nous veut cet homme, vraiment. » La camériste attendait toujours. « Dites à son monsieur que, » commença Sonia, « qu'il attende. Mademoiselle est occupée, » trancha M. Piébal. « Mais, » voulut protester Sonia, « ce monsieur peut attendre, et il nous faut faire voir le piano à monsieur, » expliqua Piébal. « Inutile, » déclara Korff. « Je désirerais moi aussi voir M. Grant. J'ai quelques renseignements à lui demander. » Une lueur de triomphe passa dans les yeux de Piébald. Korff ne la vit pas, malheureusement pour lui. « Eh bien, Marie, dites à ce monsieur que je viens tout de suite, » conclut Sonia Argoulian à l'adresse de la camériste, qui s'éloigna aussitôt pour faire la commission. Korff était un peu désorienté. Ce William Grant, qu'il croyait assassiné et enfermé dans le piano d'Argoulian, ce William Grant, qui avait disparu si mystérieusement, le sort le lui livrait. Il pensa à la mine de M. Serpier lorsqu'il lui amènerait le pseudo William Grant, et un frémissement de joie l'agita. « Venez, monsieur, » fit Sonia froidement. À l'exemple de M. Piébald, Korff lui emboîta le pas. Tous trois, en quelques instants, eurent regagné le salon. Un homme s'y trouvait déjà, d'une taille un peu au-dessus de la moyenne, bien découplé, vêtu d'un élégant costume de drap bleu marine, sobrement cravaté, il avait un visage au teint basané, remarquable par une mince paire de moustaches d'un noir bleu. Un pince-nez à monture d'or, retenu par une chaînette de même métal, lui donnait vaguement l'aspect d'un professeur ou d'un médecin. « Mademoiselle Argoulian, » dit-il aussitôt entré à la jeune fille, « permettez-moi de vous présenter mes hommages. À la veille de quitter la France pour un assez long temps, je n'ai pas voulu partir sans vous revoir pour vous remercier de toutes vos bontés. « Monsieur, » commença Sonia. « Vous êtes vraiment trop bon, monsieur, » interrompit assez cavalièrement Piébald. « Et ma fiancée est très touchée de votre amabilité. Nous vous souhaitons un heureux voyage et serions désolés de vous retenir, car vos instants sont certainement très précieux. D'une part, mademoiselle Argoulian est très prise en ce moment. Vous nous excuserez donc de ne pas abuser de vos instants. » « Mais comment donc ?» assura M. William Grant. Cependant que Korff, à part lui, pensait que Piébald en agissait vraiment à son aise et faisait comme chez lui. « Il me reste donc, mademoiselle, » continua William Grant, « à vous réitérer le témoignage de ma reconnaissance pour vous et votre père, pour la délicate réception que vous m'avez réservée. Je me permets, puisque vous allez vous marier, de vous présenter mes plus sincères vœux de bonheur et vous dis adieu. » Et William Grant tendit sa main à la jeune fille qui, après une imperceptible hésitation, la prit. « Une seconde, monsieur, » intervint Korff. « Je suis inspecteur de la sûreté et aurai quelques renseignements à vous demander. » « À votre disposition, » s'empressa William Grant. « Vous étiez bien au Gigantic Palace il y a quelques jours. » Grant eut un léger sursaut d'étonnement. « Je ne vois pas de raison de vous le cacher, » dit-il. « Très bien. Alors vous êtes l'homme que je recherche. Vous plairait-il de m'accompagner soit au commissariat de police d'Enghien, soit à Paris à la Sûreté ?»« Mon Dieu, monsieur, je vous avoue que je préférerais me rendre à Paris. Je dois prendre l'Orient Express ce soir à la gare de Lyon. Et puis, je pourrais mieux m'expliquer avec vos chefs et en finir une fois pour toutes avec toutes les suspicions dont je suis l'objet. Je me tiens à votre disposition. Il est à peine 1 heure de l'après-midi. J'ai 2 heures à vous consacrer. » « Partons donc tout de suite, » conclut Korff en dissimulant la surprise que lui causaient ces paroles inattendues, car il avait cru que William Grant allait protester ou chercher à fuir. Adieu donc, mademoiselle, reprit-il à l'adresse de Sonia, et toutes mes excuses pour être venu ainsi vous déranger. Mais puisque ma visite ici ne m'a permis de rencontrer Monsieur Grant, je ne suis pas venu en vain. Monsieur Piébald, je vous salue. Sans mot dire, la jeune fille s'inclina, cependant que son fiancé grommelait quelques mots incompréhensibles qui pouvaient aussi bien passer pour une formule de politesse. Mes hommages, mademoiselle Argoulian, fit William Grant. Monsieur Piébald, je suis votre serviteur. Flanqué de l'inspecteur de la sûreté, il sortit. Vous me paraissez un homme intelligent, monsieur Grant, et vous l'êtes certainement, fit Korf une fois qu'ils eurent franchi la grille du jardin. Ne prenez donc pas mal la petite observation que je vais vous faire. J'entends arriver avec vous au quai des Orfèvres. C'est vous dire que je n'hésiterai pas à vous tirer dessus à la moindre tentative de me fausser compagnie. William Grant eut un sourire silencieux. Rien ne m'obligeait à vous suivre, monsieur, remarqua-t-il. Et je vois avec peine que, comme tant d'autres, vous me soupçonnez de je ne sais quel méfait. Tirez-moi donc dessus si vous le jugez utile. Mais je vous avertis, moi, que je n'ai vraiment nulle envie de vous quitter. Au contraire. Un cigare? Merci, refusa Korf. Plus un mot ne fut échangé entre les deux hommes qui, en peu d'instants, eurent atteint la gare, juste au moment où le train de Paris venait de se ranger le long du quai. « J'ai mon billet de retour, observa William Grant. Très bien. » Tous deux prirent place dans un compartiment de première classe. Peu après, le train s'ébranla. Korf exultait. Une fois de plus, ce dieu des policiers qui s'appelle Hasard lui avait été favorable. Il croyait retrouver William Grant mort et il le ramenait vivant. D'avance, Jérôme Korf se représentait la physionomie de Monsieur Serpier lorsqu'il arriverait quai des Orfèvres avec le mystérieux Grant drôle. Et pourtant, Korf fut bien regretté de ne pas être resté dans la villa de Monsieur Argoulian s'il avait pu deviner la scène qui avait immédiatement suivi son départ. À peine avait-il franchi la grille du jardin avec son compagnon que Monsieur Piébald, tourné vers Sonia Argoulian, s'était écrié. C'est vous qui avez machiné cette comédie, mademoiselle. Il vaut mieux tout me dire. Cette comédie? Quelle comédie, monsieur? Cet homme, ce n'est pas William Grant. Ce n'est pas William Grant? Non, et vous le savez bien. Et qui est-ce, je vous prie, monsieur? Je n'en sais rien. En tout cas, je l'ai reconnu, bien qu'il ressemblât trait pour trait à William Grant. Et je vous demande de me dire d'où vient cet homme. Oui, je vous le demande. Faites attention. Des menaces. Je n'en ai cure. Mon père m'oblige à vous épouser. J'obéis, mais vous connaissez mes sentiments. Oh oui, vous ne prenez pas la peine de les cacher. Mais j'entends bien vous obliger à agir loyalement envers moi. Je veux savoir qui est cet homme. Je le saurai quand je devrais. Monsieur Piébald s'interrompit. La porte du salon où s'échangeait ce dialogue venait de s'ouvrir sur Monsieur Argoulian. « Que veut dire tout ceci ? » questionna-t-il en regardant alternativement sa fille et son futur gendre. « Oh, peu de choses !» expliqua Monsieur Piébald en fixant le négociant en pierrerie. « Un policier vient de se présenter ici. Il a voulu voir le piano que vous avez fait expédier. À ce moment est arrivé un individu qui a dit être Otto, je veux dire William Grant. » Et qui lui ressemble, en effet. Il est aussitôt reparti avec le policier. Et moi, j'ai demandé à votre fille ce que voulait dire cela. Monsieur Argoulian ne répondit pas tout de suite. Il était livide. Il lança un long regard sur Sonia et sur Piébald et finalement murmura. Il ressemblait à Monsieur Grant. Oui, si je ne... Tout autre que moi s'y fût laissé prendre, assura Piébald. J'ai moi-même cru que c'était Monsieur Grant, fit la jeune fille. Et n'étaient-ce les paroles de Monsieur Piébald que je croirais encore? Et après tout, c'est peut-être lui. Je me demande comment Monsieur Piébald peut savoir que ce n'est pas lui, d'autant plus que ce monsieur lui-même s'est nommé et a suivi l'agent de police. De nouveau, le silence tomba. Ni Monsieur Argoulian ni Piébald ne répondirent. Quelqu'un nous trahit. Fit enfin le négociant en pierres précieuses. C'est impossible. Nous allons essayer d'éclaircir cela. Venez, Piébald. Nous te rejoignons tout de suite, Sonia, murmura M. Argoulian. Et s'il vient quelqu'un, nous n'y sommes pour personne, tu entends? Oui, mon père. Les deux hommes aussitôt se retirèrent. Sonia Arguillon se laissa tomber dans un des fauteuils. Elle tremblait de fièvre. Elle jeta autour d'elle un regard d'une infinie tristesse et murmura « Ma pauvre maman !» Pendant quelques minutes, elle resta ainsi, presque prostrée, en proie à une sinistre mélancolie. Un léger craquement du parquet la fit tressaillir. Elle leva la tête et faillit pousser un cri. William Grant était devant elle. Il avait dû passer par une des portes-fenêtres donnant sur le jardin qui était entr'ouverte. « Pas de bruit, mademoiselle, chuchota-t-il en s'arrêtant à deux pas de la jeune fille. Et dites à votre père de faire disparaître le piano qui est dans la cave. Dites-le lui, le plus tôt sera le mieux. Adieu, mademoiselle. » Sonia, blanche, hagarde, vit l'inconnu lui sourire. Il lui sembla que sa physionomie avait complètement changé. Elle n'eut pas le temps d'en observer davantage, car William Grant, sans bruit, regagna la fenêtre, la franchit et disparut. Presque aussitôt, la jeune fille entendit des pas précipités dans l'escalier. Une fenêtre du premier étage s'ouvrit brusquement. Il y eut un claquement métallique. « Ah, oh, je l'ai manqué !» fit une voix rauque, celle de M. Arguillon. « Il faut le poursuivre !» gronda M. Piébal. « Non, ne bougez pas, c'est peut-être un piège !» grommela le marchand de pierreries, qui presque aussitôt apparut dans le salon avec à la main une carabine à air comprimé. « Il est venu te dire quelque chose !» s'écria-t-il, tremblant de fureur, en saisissant brutalement le poignet de Sonia, qui, droite, le regardait avec des yeux élargis d'épouvante. « Parle! Je suis capable de te tuer !» il m'a dit que le piano, balbutia la malheureuse jeune fille d'une voix sans timbre. Ses forces étaient à bout. Elle retomba en arrière, sans connaissance. « Je m'en doutais, moi !» ricana férocement Piébald.